si c'est fragile, c'est comme un gant béquille. L'amour c'est pas mieux quand ça devient sérieux. Les moments très intenses sont plus rares quand j'y pense. Il me faudrait un palais aux 200 000 secrets. J'suis une grosse boule d'amour qui se promène avec le temps, qui se remplit de l'énergie du vent du monde autour de lui. Liberté, c'est souhaiter pour pouvoir s'amuser. Liberté, c'est voulu pour sortir les élus. Liberté, on en veut pour changer un petit peu, pour avoir du bonheur, pour avoir un bon cœur. J'suis une grosse boule d'amour qui se promène avec le temps, qui se remplit de l'énergie du vent du monde autour de lui. Mais quand ça sera fini, quand tes yeux seront plus ici, quand tous les cris viendront de ma folie, je partirai. Du vent du monde.